quand je viens maintenant, il y a des choses que tu as dit tout à l'heure, pour ne pas couper, j'ai dit. Ah ben oui, on a lancé. Donc maintenant, je vois quelques éléments là. Pour vous, c'est comme si je suis leur voici une chose. On a déjà éliminé la. Non. C'est un mémorial. Permettez-moi, je pose avec lui. Voici une chose, Attends, pour mes précisions, encore. Écoute-moi, j'ai éclairci, pourquoi on avance. Voici la chose. On a d'abord enlevé la Bible qui est un mémorial sur la table. Pour que ça ne nous cause pas d'ennui. Et là, vous voulez prendre, vous voulez parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant de venir, était annoncé. Le peuple l'attendait. Bien qu'on ne connaissait pas qui était. C'est un peu différent. Parce que nulle part n'est mentionné que quelqu'un va venir. Comme ouais, Carrefour Philippe. Ouais. Bon, je vais tout simplement. Dis que je ne sais, dis que je ne sais pas. Oui, je dis, je prends la partie du peuple. Je ne mens pas. Le peuple ne sait pas que c'est écrit. Et là, nulle part. Ne sait pas que nulle part. Le nom de Carrefour Philippe pas. Le nom de Carrefour Philippe pas écrit dans le mémorial. Ne sais pas si le nom de Carrefour Philippe n'est pas écrit dans le mémorial. Le nom de Carrefour Philippe pas écrit dans le mémorial. Et dit ta parole. Donc, ce qu'elle dit, chacun peut prendre ce qu'il parle. Il a dit ta parole. D'abord, pour votre information, il a dit ta parole. D'abord, pour votre information, Carrefour Philippe n'est pas le seul qui se réclame d'être de ces messagers. Oui ou non? Non. Attends. Je vais le réfléchir pour qu'il comprenne. Il faut qu'il parle. Je vais dire qu'un. Permets-moi. Regarde, n'est-ce pas? Je recommande. Il n'est pas le seul. Voilà, il n'est pas le seul. D'où sa question? Voilà, donc d'où sa question? Attends, s'il te plaît. Tout se réclame longtemps après quand Carrefour Philippe est à succès. Comment? Plusieurs semaines. Si maintenant, ça va dire original que longtemps après. Ça va dire original que le fait que le faux se lève. Oui. Donc maintenant, voilà, tu dis que c'est après Carrefour Philippe. Après. Carrefour Philippe. Carrefour Philippe a pris le ministère en 93. Oui ou non? Oui. Mbrapa Fé a commencé à quel moment? Mbrapa Fé. Dis-moi. Bon, je sais pas. Je sais pas. Après, quand vous voulez avant. Attends. Je sais pas. Attends. Okay, comme vous ne savez pas, on met en de pardon, ne commentez pas. Oui. Branham, le prophète Branham a parlé de cri de minuit, que ça c'est l'heure de minuit. Oui ou non dans ses écrits? Oui. Ok, mais il a dit que c'est le message de minuit. Il a donné le caillou blanc. Le caillou blanc dont vous avez parlé comme étant la langue. Je ne veux pas que nous ne l'avions pas de là-bas. Oui. Mais de toute façon, c'est ça. Tiens, loin. Non. Parce que la question de ce monsieur-ci est importante. Il a dit qu'il n'est nulle part écrit dans le mémorial que c'est Carrefour Philippe. Mais n'importe pas Carrefour Philippe, c'est un verset. Et c'est ça que Carrefour Philippe cite, n'est-ce pas? L'autre personne qui se sont réclamées comme étant le porté de ces messages d'écrit de minuit ont cité le même verset. Comment donc le peuple, comme il en a cité, va reconnaître que c'est plutôt Carrefour Philippe qui est le vrai? Voilà. Oui. Comme vous avez qu'on ne touche pas le mémorial, vous avez remarqué que, comme vous avez si bien cité le prophète Jean Baran, oui. Il était un prophète au tâtis de Dieu. Absolument. Il n'est pas encore des paranistes parce que les paranistes. Non, c'est autre chose là maintenant, parce que même Carrefour Philippe est sorti de là, même vous-même. Tu crois, monsieur, s'il avait le doigt en l'air, il parlait. Lui, il a coupé la. Renvoie-lui, j'attends l'invitation de Renvoie-lui, s'il a envoyé, ce n'est pas lui qui continue de. Moi-même, j'ai depuis mon frère en l'air depuis. Donne-moi le verset et puis mon frère va. Non, c'est pas le verset, c'est les citations. Ça sera long. Donc, il faut que celui-ci finisse une fois. Lui connaît. J'ai mangé les versets là. Lui connaît parce que dans le livre vert, il a dit qu'il a su le livre vert. C'est la deuxième traduction. Oui. Voilà, ça dit qu'à l'intérieur, clairement, à l'intérieur, c'est cité. Carrefour dit clairement que William Bell l'a annoncé. Oui, quand vous dites que non dans les versets, alors que tu connais déjà. Non, c'est pas pour moi, nous sommes ici. Les gens, il y a la référence, donnez la référence, ne dis pas que c'est William Branham. Beaucoup ne savent même pas s'il y a eu un messager comme ça. De toute façon, ils vont chercher. Moi, j'ai ma question. Oui. Comme ça, on donne la référence dans le livre d'abord. Ma question que je pose. Posez. Moi, je vais. Parce que depuis qu'on est arrivé ici, on a couru. Or, semble-t-il, c'est beaucoup plus le port de voile. qui a fait, encore, a fait en sorte que Ferrand ne soit pas nécessaire. C'est le point de départ, le point de départ. Oui. Parce qu'il a dit que quand il était assis là-bas, il a commencé à constater. Mon frère, on a c'est, là, c'était la discussion qui nous ouvrait. J'ai une question, pardon. Laisse-moi poser la question. C'est pas qu'il rentre sur la bêtise. C'est un point qu'on ne peut pas contourner. Maintenant, hors de foulard. Oui. Moi, je vais poser la question. Oui. Est-ce que un chrétien de la part de Jésus-Christ doit porter une chrétienne, mais les femmes doivent porter le foulard ou elles ne doivent pas porter. Okay, comment donc doit-on savoir? Où est-ce qu'on doit savoir? Non, voilà. Si c'est oui ou c'est non, c'est, sur quelle base on va savoir? C'est ça qui faut qu'on aille là. Là, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez dire oui ou non et dire voilà sur quoi vous dites. Non, vous avez dit au départ que nous avons dit que nous croyons à la Bible. Oui, et si un tel foulard qui sort quelque part, vous avez pris dans la Bible. On peut prendre dans la Bible. Mais on a enlevé la Bible. Il ne pose pas la question dans la Bible, il pose seulement la question. D'accord, c'est à nous de savoir comment répondre. Il pose seulement la question. Est-ce qu'une femme chrétienne, qui se dit chrétienne, tu vas porter le foulard ou elle ne doit pas porter? Voilà. Lorsque vous donnez la réponse, peu importe où vous tirez, vous pouvez tirer n'importe où votre réponse, sur le niveau de thèse. Oui. Mais je veux seulement la réponse. Bon, tu donnes la parole à qui? Qui peut répondre? Qui doit répondre? Je ne dis pas que c'est moi. J'ai dit, écoute bien, nous, ces gens sont du peuple. Nous ne voulons pas, puisque la Bible a été la scène, une seule chose est... Je ne parle pas de la Bible, dis-moi. Mais votre question, nous ne pouvons pas la répondre, parce que nous allons la répondre. Vous allez dire que c'est notre peuple. Et si nous arrivions là-bas, c'est comme nous sommes rentrés. Quand j'ai donné ma question, j'ai donné les bases. J'ai dit qu'elle est sortie n'importe quel... Ok. Maintenant, tu vas dans le champ d'appel. Vous l'avez dit, vous pouvez aller dans la Bible, non? Je vais répondre. Donc, la personne avec qui tu as posé répond. Je réponds. Pour moi, le foulard est bien parce que je suis le peuple. Une femme, en allant au champ, doit s'attacher pour que la saleté ne touche pas sa chevelure. Voilà notre réponse. Et ça ne porte pas. Si, non, pas que les choses. Pour vous, c'est une doctrine des hommes ou bien c'est une doctrine de la part de Jésus-Christ? Tu veux qu'on retourne dans c'est une doctrine de c'est un commandement de Dieu. Donc, j'ai répondu. Okay, merci. La prescription du voile par rapport à la femme chrétienne dans la prière et la prophétie, c'est un commandement de Dieu du siècle. Merci. Non, j'ai touché. Non, il m'a donné la réponse. Ne dit clairement que c'est ça vient de Dieu ou bien ça ne veut pas dire. Merci, j'ai ma réponse. Oui. Il m'a dit que c'est un commandement de Dieu. Je poursuis toute la question encore peu en disant ceci. Ça veut dire que une église dans laquelle les femmes se trouvent et ne n'attachent pas le foulard, ça veut dire qu'ils enfreignent un commandement du Seigneur. Absolument. Et quiconque effreint le conseil est pécheur, oui, vient du diable. Attention, n'attachons pas à n'importe quel péché quand on vient du diable. Oui, okay. Parce que l'apôtre Pierre a péché par hypocrisie et l'hypocrisie. Voilà, ok, merci. Comme un péché. Oui, donc, voilà. Dans une assemblée où même le leader recommande que les femmes ne portent pas. Et quand il dit que c'est l'inspiration de Dieu qui lui dit. Ça veut dire que ça lui a fait le commandement du diable. Il dit que c'est Dieu qui lui dit. Ça veut dire que lui-même, certainement, il doit venir d'un faux Dieu. Absolument. Donc si quelqu'un même déclare que c'est Dieu qui lui a dit, c'est-à-dire alors que je vais lui dire que Dieu l'a a commandé ceci. Et nous savons que le Dieu ne peut pas dire les choses qui sont contraires. Alors forcément c'est un menteur. Et donc une personne de ce Dieu lui a parlé. Permettez par exemple. Ça dit bien. C'est comme si le peuple qui a dit ces choses-là. La personne qui lui a dit n'est pas Dieu. Ça veut dire clairement qu'il est un faux prophète. Oui, voilà. Maintenant, je vais un peu aller plus loin. Oui. Ailleurs. Est-ce que Tibi Joua, où qu'on sait qu'il est? Je ne connais pas, comme c'était ce Tibi Joua. Je n'ai pas encore réfléchi sur le cas de Tibi Joua. Oui, tu n'as pas réfléchi. Oui, je n'ai pas encore réfléchi sur son cas. On ne sait pas s'il est. Il vient de Dieu, ou pas? Puisqu'il utilise le numéro, il ne dérange même pas, c'est le prophète de l'œil qui nous dérange. Ok, merci. Oui. Je te lui donne des questions. Si quelqu'un vient, est-ce que tu peux recommander à quelqu'un d'aller chez Tibi Joua pour sa délivrance? Regarde bien. Laisse-moi, c'est à moi qu'on a déposé la question. Oui, salut. Si quelqu'un, regarde, par exemple, celui-ci il est venu chez vous, oui ou non? Celui-ci est venu chez vous, oui ou non? Celui-là, il est venu chez vous, d'abord un. Il vient chez nous quand il veut. Donc chez nous, c'est la liberté. Tu as compris, n'est-ce pas? Donc c'est la liberté. Quelqu'un peut quitter comme cela. Même celui-ci, il ne lui dit pas que le papa. Toi, tu es venu, je ne sais pas comment tu as mis pour venir ici, pas vrai? On a reçu, tu as reçu le CD, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne contrôle pas quelqu'un. Donc tout le monde est sur la liberté. Donc si quelqu'un va aller chez Tibi, il part. S'il va aller chez Kakou Philippe, il part. S'il va aller chez Kakou Séverin, il part. N'importe où, il part. Continue dans la question. Frère, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus. Non, je dis toi, continue la question. Nous parlions de Foula ici tout à l'heure. Là. Oui. Il était question de savoir, si, puisque c'est ça qui l'a scandalisé. Chez vous, les femmes ne se voilent pas. Et dans votre écrit, c'est écrit là-bas que le prophète n'enfant pas ça un commandement. Et tu m'as posé la question, il dit que la Bible dit clairement que c'est un commandement. C'est okay. Ce qu'il dit. Bon, et tu as décidé que si quelqu'un a la question, n'est-ce pas? Oui. Parce que. Les avancées sont venues chez toi. Que les avancées sont venues chez toi. Selon laquelle je recommande les gens, c'est tu veux le choix. Bon. C'est pour ça que tu as lancé la chose, que est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Ils ne t'ont même pas soutenu, tes frères, qui sont venus sortir de chez moi. S'il a dit que si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Il a de donner comme ça l'opportunité. C'est le soutien. Depuis, il n'a pas fait ça ici. Je dis que sur cette question, il allait demander à le soutien. Ça veut dire que sans comprendre ce que vous dites, ça veut dire que Dieu est partout. La Bible dit clairement que Dieu est partout, il remplit les cieux et la terre. Ok. À moins que ça ne soit pas le même Dieu que vous servez. Ok, merci. Donc, moi, je vous dis en clair. Le cas de Dieu que le casse-mystère, c'est le même Dieu que le casse-mystère. Non, ça peut être différent. Regarde ta question. Pourquoi tu cries? Tu as dit que ça veut dire que Dieu est partout. Je te réponds à la question. Tu as dit que ça veut dire que Dieu est partout. La Bible déclare qu'il remplit tout l'univers. Donc Dieu. Tu as dit que ça veut dire que Dieu est partout. Papa, la question. Mon cher ami, tu as dit que est-ce que Dieu est partout? Oui, Dieu est partout. Est-ce qu'il est derrière tous ceux qui opèrent sur la terre? Si la question est posée comme ça, c'est autre chose. Laisse ta parole pour sa question. C'est clair. Regardez, je vais pas faire un compliment. Ok, revenons sur ce qu'on a parlé. Nous parlions de la parole et tu m'as posé la question par rapport au commandement sur le foulard. Ok, merci. Pour le foulard, si je pose la question aussi, n'est-ce pas? Attends, s'il te plaît. Si je pose aussi la question que. Ok. Non, je dis par rapport au foulard, tu m'as posé la question par le commandement. Est-ce que toi également, tu reconnais que le port du voile de la femme chrétienne dans l'église est un commandement du Dieu de la Bible et Dieu du ciel de la terre? Ce n'est pas un commandement. Et même le port du foulard. Non, il parle du voile. Il parle pas du foulard. Il n'y a pas de plus foulard dans la Bible. Oui, et puis voile. Voile. Oui, donc je recommence encore. Le port du voile, ce n'est pas un commandement du Seigneur. Ce n'est pas un commandement du Seigneur. Ceux qui le pratiquent, ce n'est pas un esprit de démon qui pratique. Et maintenant, beaucoup qui le pratiquent, ils montrent lui, c'est comme montrant un Corinthiens 11. Comme le prophète a dit là-bas, que si quelqu'un porte, il porte et n'en fait pas un commandement, les personnes qui vont porter, qui sont sorties de ce milieu-là, ils ont tous cet esprit. Non, quelqu'un porte. Oui. Il ne fait pas de cela une doctrine. Mais que si quelqu'un se dit que le voile de la femme est un commandement, c'est le foulard, c'est faux. Il a donc dit c'est quoi donc? Il a donc dit que c'est pas ça. Parce que c'est sa chevelure. Oui. Et il a dit comment? Oui. Dieu n'avait pas créé, elle avait le foulard sur la tête. Il a aussi créé, elle avait la vie au corps. Et l'autre a essuyé les cheveux. On n'a pas dit ça avait le voile. On n'a pas dit que c'était avec le voile. Même quand Paul vient, oui. Les gens lui posent la question même dans par rapport au foulard. Il a. Non, mais pas de foulard. On n'a pas posé la question par rapport. Paul est allé jusqu'à mettre le point que. Non, on n'a pas posé la question à Paul par rapport au voile. On n'a pas posé cette question là. On ne lui a pas posé la question. D'abord, il veut qu'on soit clair d'abord. On n'a pas posé la question du voile. Monsieur. Oui. Je vous dis que Paul traite les questions que les gens lui adressaient. Permets-moi de me justifier. Tout d'accord. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 7, par exemple. Qu'à propos des choses que vous m'avez écrites, je le pense ceci. Vous voyez. Monsieur. Non. Il n'est pas. Oui. Un livre d'histoire, oui ou non? Mais c'est lui, c'est lui. Voilà, observateur. Je vais te poser la question. Tu n'es pas venu ici pour être observateur. La Bible était un mémorial. Non, oui. Mais le mot livre d'histoire. Tu sais que la Bible, c'est un livre qui parle des prophètes. En fait, ça enseigne ce que Dieu a fait. Oui, ce que Dieu a fait dans le temps. Voilà. La question qu'il a posée, c'est la réponse de ça, c'est soit oui, soit non. Il a dit que oui ou non, pour toi, c'est un livre d'histoire, oui ou non. Il a tranché. Réponds aussi. Ne nous donne pas la définition de ce livre. Réponds au pari ou non, c'est un livre d'histoire pour toi. Et déjà, même lorsqu'il dit que. Ceux-là ont dit que ça ne donne pas le salut. La Bible ne donne pas la vie éternelle. Voilà. Voilà, en croyant à la Bible, on n'a pas la vie éternelle. On n'a pas la vie éternelle. Ok, donc avançons. Donc, donc tu es d'accord avec eux qu'en croyant à la Bible, on n'a pas la vie éternelle. J'ai posé une question. Il dit que la Bible parle des choses passées, du présent et du futur. Voilà, donc il vient de dire encore que la Bible ne donne pas la vie éternelle. Si tu crois en sortir la vie éternelle, oui ou non? Toi aussi. Tu es d'accord? Non, laisse-le répondre, mon cher. Laisse-le répondre. La question, c'est laisse-le répondre. Laisse-le répondre. Momo, tu crois donc que la Bible, si en lisant et en voyant ce qui y est écrit, comme c'est un livre d'histoire, tu n'as pas la vie éternelle? Ok. Donc, continue ici. Comment ça s'appelle? Claude. Oh, Claude, la Bible est-elle un mémorial? Toi. Oui, c'est un mémorial. Bon, tu viens de dire ici que le peuple a parlé sans citer la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu. Non, avant qu'on passe à ce il parlait de la Bible, parce qu'on a cité la Bible tout à l'heure. Il parlait justement de la Bible. Alors pourquoi la Bible est un mémorial? Continue, c'est vrai, c'est sûr. C'est un mémorial, j'ai dit. Voilà, donc les vieux se sont déjà clairs, l'autre n'a pas encore parlé. Oui, il a dit ça avant qu'on a posé. On a posé la question ici, il a répondu. On a posé la question à lui, il a répondu. Est-ce que c'est un mémorial? Oui ou non? Il continue, il dit pas. Non, c'est oui ou non? Ça c'est du pharaonisme. C'est pas normal. Donc ce qui fait c'est du pharaonisme. Non, tout fait là. Pourquoi depuis ici là tu as demandé qu'il réponde à lui tu as de faire comme ça? Vous êtes d'accord que c'est lui ou non? Quand tu es devant les preuves, c'est le professeur qui pose la question. Il dit qu'il n'y a pas l'école de théologie. Alors, est-ce que les autres refusent aussi de répondre? Je suis déjà la question, oui ou non? Oui ou non? Patrick, on est avec toi. Patrick, on va dire seulement tu. On va dire seulement tu. Patrick, le médecin ne répond pas, c'est qui en l'autre. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on va dire seulement tu. Patrick, on oui ou non, la Bible est-elle un mémorial? La Bible, c'est un musée. La Bible est-elle un mémorial, oui ou non? La Bible ne parle du présent, du futur et du présent. Non, c'est un mémorial, oui ou non? C'est un livre d'histoire, oui ou non? Il y a les prophéties à venir là-dedans. Donc... C'est un livre d'histoire, oui ou non? Alors, c'est quoi? Non. Attends, les bases qu'on a dit, c'est tu as dit, c'est l'histoire sacrée, tu viens de dire que c'est l'histoire sacrée qui est accomplie de cette temps-là. La Bible, c'est lui ou non? Ils sont calés dans le type de l'évêque. C'est mon père. Laisse les bases, père. Laisse les bases, père. Laisse les bases, père. La Bible, c'est la parole. Tu n'as pas me convaincre. Tu as dit... Ça n'est pas qu'elle est la parole. Tu as dit à David, à ton professeur. C'est la Bible, comment? La Bible n'est pas la parole. Je suis d'accord avec toi. Donc si la Bible, la Bible n'est pas, je suis d'accord que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a recommandé ça à Takou Sévéré? À Takou Philippe, pourquoi il a recommandé qu'on utilise? Ouais. Qu'on utilise. Mais quel père a recommandé à Takou Philippe? Comme toutes les autres Bibles existent, seulement parce qu'il y a une seule Bible qui est là-bas. Qu'est-ce que Jésus-Christ a donné à Takou Philippe? Dites-nous, c'est vous qui avez donné, c'est pas que vous avez. Il a recommandé, lui, moi, il a recommandé. Il a dit recommandé, il a dit donné. Je n'ai pas dit que qu'est-ce qu'il a donné. Je dis qu'est-ce qu'il a recommandé. Bon, j'ai dit qu'est-ce qu'il a recommandé. Supportez que je finisse ici. Tu vas nous voir. Voici ce que Kafou a dit de lui-même. Il dit qu'il a, il y a un branhamiste qui est venu le voir avec des livres de Branham. Lorsqu'il a commencé à lui poser des questions sur Dieu, le branhamiste a sorti des recueils de Branham. Il lui a ramené dans la Bible. Le monsieur n'a plus rien trouvé à dire. Ça sort de la bouche de Kafou. Tu ne comprends pas. Okay. société, c'est pas connu. Enchanté, enchanté, enchanté, enchanté, enchanté, oui, enchanté. Le Jésus auquel vous croyez, c'est un démon, vous devez le savoir. Oui, donc le Jésus de Kakou Philippe, c'est le vrai Jésus. Le seul vrai Dieu. D'accord. Tu as dit que Kakou Philippe, c'est le Matthieu 25, s'il m'a réfléchi dans la chair. C'est ce que tu as dit. Oui. Jésus était Esaïe 61, Matthieu 25. On est Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'est Matthieu 25. Faites chair. Et toi, tu as le prix Kakou Philippe. Tu as le prix de Kakou Philippe. Tu dis que j'ai le prix Kakou Philippe. Voilà. Bonne soirée. Tu salues qui? Ok, non. Ok, jamais t'es demain. Donc, Momo. Voilà, bien-aimés dans le monde entier, c'est la fin de ces débats, de ces discussions, pas un échange, parce que l'échange ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau, parce que ce n'était pas des échanges d'idées, c'était des esclaves d'un certain Kakou Philippe qui venait imposer leur doctrine, et nous leur avons résisté en face avec la parole de Dieu, avec l'âme dont le Seigneur nous a recommandé de tenir ferme dans ses paroles pour pouvoir renverser toutes les ruses du malin. Et la Bible déclare que nous renversons tous les raisonnements et toute hauteur qui te lève contre la connaissance de Christ. Et nous voyons effectivement qu'une armée de Satan s'est levée effectivement contre la parole de Dieu. Depuis des siècles, Satan s'est toujours attaqué à la parole de Dieu. Dieu dit une chose, il vient dire autre chose, mais au sommet maintenant du moment où Dieu va venir par son fils Jésus-Christ retirer son épouse, qu'est-ce qu'il fait? Il déclasse totalement la parole. Donc tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui acceptent le rejet de la Bible, quelles qu'en soient les versions bibliques que vous avez bien aimées, gardez-les parce que c'est important. Mais souvenez-vous de ceci. Si quelqu'un vient vous déloger de votre Bible, vous êtes fichu devant Dieu. Souvenez-vous de tout ce que les paroles des prophètes disent dans la Bible, et même Jésus-Christ a dit, rien ne doit y être ajouté, rien ne doit être retranché. Souvenez-vous de Apocalypse chapitre 22. Souvenez-vous de Proverbe chapitre 30, versets 5 à 6. Souvenez-vous de Deutéronome 6, 4. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Cet être humain odieux, cet être humain blasphémateur, cet être humain démon désincarné et incarné, cet être humain qui vocifère tout ce genre d'insultes, qui sort de sa bouche des grenouilles de mensonges pour envoûter ses disciples, tous ces êtres humains, de cet être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé dépasser Judas. Judas au moins marchait avec la parole. Judas Iscariote marchait au moins la parole. Celui-ci, il a totalement mis la parole de côté, mais il confirme, il dit de sa bouche que c'est cette parole-là qu'il a envoyée. Oh, bien-aimé, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Donc cet homme est un imposteur, un faux prophète, un ouvrier d'iniquité. C'est un démon incarné qui veut désarmer les enfants de Dieu de sa parole pour pouvoir les embrouiller. Donc vous tous qui étiez sortis des rangs, je vous commande au nom du Seigneur Jésus-Christ, rentrez dans les rangs maintenant. Reprenez votre Bible. Vous tous qui avez brûlé vos Bibles de par le monde, réveillez-vous maintenant et que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous. Et que vous reprenez la Bible et repentez-vous amèrement devant le Seigneur par des cris de lamentation. Et je conseille à toute personne qui aurait des écrits de Kakou Philippe, sous quelque forme que ce soit, de les brûler publiquement, de filmer des vidéos et envoyer à cet imposteur et publier même sur des antennes pour qu'il voit exactement qu'on est en train de brûler ces mensonges au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors que vous le faites, que Jésus-Christ de Nazareth vous visite et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.